Contes et récits, contes et fables de Eugène Muller. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commons.org.